Raymond Poirier, salut. Salut, Michael. Donc, aujourd'hui, la banque de données ou le big data s'invite ou aide le développement durable? Un peu les deux, j'ai l'impression. En fait, c'est un colloque qui a été organisé la semaine dernière par l'Institut Technologie de l'Information et Société de l'Université Laval, conjointement avec l'Institut Hydro-Québec EDS Environnement Développement Société, aussi de l'Université. On connaît l'Institut Technologique, un Institut Développement Durable. Et l'idée, c'est de voir un peu de quelle manière les deux univers en viennent à coexister. Parce que parfois, on peut avoir l'impression que les technologies, c'est d'abord et avant tout peut-être un problème. Sur le point de vue de l'environnement, on voit des articles passés, bon, les coûts environnementaux des ordinateurs, du recyclage ordinateur, la gestion des centres de données, etc. Donc, il y a quand même une panoplie de problèmes. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'atouts qui peuvent venir de l'intégration, justement, d'outils technologiques. Et le pont avec les données, c'est que finalement, en fait, le terrain qui s'est imposé... La première instance, si on peut dire, dans la collaboration entre le développement durable puis les technologies, c'est la sphère des données. C'est la possibilité que nous donne l'informatique de gérer en temps réel les réalités environnementales. Et finalement, pour avoir des situations qui sont beaucoup plus faciles, aisées, rapides à gérer, de manière très simple, si on parle, par exemple, de gestion des eaux usées, ou de gestion de l'eau potable, eh ben le fait d'avoir des capteurs qui sont installés dans les rivières, qui sont installés à différentes étapes de l'aqueduc, eh ben ça nous permet de savoir précisément à chaque endroit clé quelle est la nature de la qualité de l'eau et de pouvoir réagir rapidement s'il y a une variation dans cette qualité-là. Présentement, on parle de mesures qui sont prises quotidiennement, donc il y a toujours un délai de 24 heures. Un délai de 24 heures, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer en une journée, le temps d'avoir l'information, de pouvoir réagir. Il y a quand même une différence, donc, de ce fait entre une heure ou 20 minutes et 24 heures, donc, pour ce temps de réaction-là. Et de cette manière-là aussi, de pouvoir, au niveau de l'eau potable, par exemple, savoir le niveau de dégradation qu'il y a la source, donc des bassins versants, jusqu'au robinet, dans la mesure où tous ne sont pas égaux dans le circuit de l'eau. Il y en a qui sont proches du début du parcours, et il y en a d'autres qui sont au bout du parcours, et où, dans le fond, l'eau passe quand même un certain temps aussi dans les tuyaux, dans les canalisations. Donc, de voir quel est le degré de variation, si on dit que ça prend X temps à l'eau pour se rendre d'un bout à l'autre, c'est quoi la dégradation? Est-ce que c'est une dégradation qui est acceptable ou non? C'est quoi l'impact? De quelle manière réagir? Donc, encore là, on a un diagnostic extrêmement précis du circuit. Évidemment, tu me diras, c'est beaucoup plus facile dans un contexte d'eau potable. Dans le contexte des eaux usées, ils ont un gros défi, dans la mesure où, généralement, l'eau qui est potable, c'est l'eau qui est propre. Et l'eau qui est usée, les égouts, ben c'est plutôt l'inverse. Et donc il y a beaucoup de détritus, de cheveux, de bouettes, de trucs beaucoup indescriptibles, beaucoup de choses qui circulent. Et également il y a aussi beaucoup de variétés de substances qui circulent. Donc d'un côté, il faut avoir des marqueurs qui sont extrêmement durables. Pour pouvoir justement prendre des mesures sans qu'on ait besoin de les nettoyer quotidiennement ou à chaque semaine ou de les remplacer à chaque mois parce que leur état s'est trop dégradé. Et parallèlement, il faut avoir aussi une variété de marqueurs qui sont en mesure d'aller chercher différents indicateurs, des gaz, etc., etc. Donc, pour avoir un diagnostic quand même assez précis. Et donc, de ce fait, il y a de la recherche qui s'est faite, qui s'est penchée un peu plus sur justement la manière de classifier l'information. Dans la mesure où, quand on analyse en temps réel, il y a évidemment beaucoup de données qui sont générées. Mais dans un cas comme les eaux usées, la qualité des données est variable parce que la qualité des capteurs est variable, au bout du compte, à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et donc, il y a un professeur, Peter Van Rolleghem, à l'Université Laval, qui, lui, a développé un système pour que l'analyse de la qualité des données se fasse en temps réel en même temps qu'on va chercher les données. Et donc, ce qui fait que, mettons, après une heure, ben on voit donc un flot de données nettoyé, entre guillemets. On peut aller chercher le flot original pour voir combien de tranches de données ont été retirées. Évidemment, dans un cas où il y a trop de données qui est retirée à un certain point parce que c'est pas assez de qualité, ben on se dit, soit il y a un gros problème, soit c'est un problème avec le capteur, donc faut le changer. Mais sinon, on est en mesure d'avoir un suivi assez précis sans justement être obligé d'être constamment en train de nettoyer les données qu'on reçoit et de perdre un temps fou aussi de ce côté-là. Parce qu'au bout du compte, si on y va vers le temps réel, c'est toujours une question d'efficacité. Et de prévenir aussi, finalement, le plus rapidement possible. Mais là, on parle de l'eau, mais j'imagine l'air également peut rentrer là-dedans. Il y a la gestion d'un écosystème, mais ça peut être plus large que ça. L'idée, en fait, c'est d'avoir toutes les données, au bout du compte. Et le défi, c'est que pour l'instant, il y a des systèmes qui sont au niveau de l'eau, au niveau des sols aussi, par exemple, par rapport à l'irrigation. Donc, il y a des systèmes qui ont été implantés pour rentrer des capteurs justement dans les champs, savoir précisément c'est quoi le taux d'humidité qu'on a, et donc savoir combien d'eau il faut mettre. Parce que pour l'instant, on se base sur des tendances qui sont peut-être un peu plus sur des moyennes annuelles, sur des tangentes annuelles, sur des tangentes mensuelles, etc. À chaque semaine. Donc, il y a plusieurs degrés, mais encore là, on n'est pas dans le temps réel au niveau de la précision. Et donc, le fait de pouvoir savoir précisément à chaque minute, c'est quoi, ou à chaque jour minimalement, c'est quoi les tendances au niveau de l'humidité dans le sol, mais ça permet de réajuster rapidement l'irrigation et en même temps de sauver de l'eau, évidemment. Mais ça, on est encore dans les sols. Si on tombe dans l'air, ben là, on tombe plutôt dans, pour l'instant, en fait, du moins dans ce qui est ressorti de ce colloque-là, c'est l'utilisation de modélisation à caractère météorologique. Dans la mesure où, pour l'instant, Environnement Canada est en mesure de prévoir de manière quand même relativement précise la qualité de la température qu'on va avoir, la nature de la température. Évidemment, si on prédit la température, c'est parce que aussi il y a une gamme de données qu'on va chercher. En fait, c'est pas simplement des modèles qui vont voir est-ce qu'il y a des nuages, est-ce qu'il n'y en a pas, c'est quoi les vents. On calcule l'humidité des sols, on calcule l'humidité de l'air, on calcule les vents, on calcule la température, on calcule une série d'informations comme ça. Et c'est à partir de ça qu'on prend ces modèles-là pour en faire des prévisions météorologiques. Évidemment, plus on est en mesure d'aller chercher de manière précise aussi pour jouxter au modèle aérien de l'information, eh bien, on est en mesure d'avoir aussi, du côté d'Environnement Canada, des modèles prédictifs de plus en plus précis. Je pense que c'est les Jeux panaméricains à Toronto, ça va être cette année, si je me trompe pas. Eh bien, dans le fond, ils font un projet pilote dans le cadre de ces Jeux-là où ils vont faire de la prévision météorologique. Et ils vont être en mesure de prédire la météo pour des superficies de 250 mètres. Donc, on tombe là, carrément pour dire, OK, la variation météorologique entre des pâtés de maison. Et c'est vers ça qu'on s'en va, évidemment, parce que dans ce cas-là, ils ont été capables d'aller chercher de l'information terrain, des modélisations au niveau de la chaleur, au niveau des immeubles, au niveau des structures, etc., pour pouvoir évaluer de manière la plus précise possible l'influence que le sol va avoir. Ensuite, jouxté aux modèles qui sont déjà disponibles au niveau de l'air, on arrive à quelque chose d'extrêmement précis. Mais ce que disaient aussi les gens d'Environnement Canada, c'est qu'eux utilisent ces données-là pour prédire, évidemment, faire des évaluations globales sur les changements climatiques, tangentes, des éléments comme ça, mais aussi, ces données-là peuvent être utilisées pour autre chose. Et c'est des données qui sont disponibles. Et ça, les gens ne le savent pas tout le temps. Et donc, on peut décider de développer des outils, des applications, un peu n'importe quoi, à partir de ces données-là, en demandant la permission, mais ces données-là sont accessibles gracieusement. Donc ça, c'est pour un suivi de différents éléments de notre environnement, mais j'imagine le développement durable, c'est aussi gérer des projets, c'est aussi gérer, par exemple, l'urbanisation, c'est gérer des développements aussi, donc ça en fait partie. Ça en fait partie et il y a eu quelques réflexions, ça, en deuxième partie de journée, justement, on essayait de voir de quelle manière on peut impliquer les citoyens d'un côté et de quelle manière eux peuvent aussi tirer parti de ces éléments-là. Il y a eu une présentation d'une professeure de l'École d'aménagement du territoire, Geneviève Cloutier, qui, elle, a fait une expérience dans le secteur de Portneuf autour d'un comité rivière qui avait été monté à Saint-Raymond. Et ce qu'elle avait remarqué, c'est que l'engagement des citoyens dans un contexte plus large, là, au-delà de « on vous demande votre opinion », mais dans un contexte de gestion de crise dans ce cas-là, parce qu'on parlait quand même de crues, de problèmes de crues, d'inondations et le reste, bien, dans le fond, les citoyens avaient accès aux données, avaient accès aux mêmes informations que les chercheurs, avec ces mêmes informations que les gens de la ville, les gens de la municipalité, pour faire de la prise de décision, pour participer à cette prise-là. Et donc, ça permettait de passer d'un enjeu émotif vers un enjeu factuel. Où, dans le fond, quand on se rendait compte, finalement, que quand on donne toute l'information aux gens et qu'on les fait participer et qu'on développe bien, ben on est capable d'avoir des gens qui sont avisés puis qui sont capables de prendre une décision au-delà de « j'habite là ». Si on peut dire, ou au-delà d'une perspective qui est peut-être un peu trop macro ou micro dans certains cas. Donc, ça devenait quand même assez intéressant, évidemment. Dans un contexte aussi où on a l'impression que pour les citoyens, il y a un rôle qui vient tranquillement à changer. Il y a un chercheur qui est arrivé et qui dit, dans le fond, les citoyens, on leur demande quatre choses au bout du compte. C'est d'un côté d'identifier des problèmes, l'autre côté de penser à des solutions. Après ça, dans un troisième temps, de voir de quelle manière ces solutions-là peuvent être développées. Puis de quatrième, ce serait de diffuser les solutions qui ont été développées finalement. Donc, un rôle beaucoup plus participatif. Et parce que justement, on est capable d'avoir des données de plus en plus précises, de plus en plus compréhensibles pour les non-experts. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'on est sur différents points. On n'est pas des experts. Mais comme on a de l'information qui est disponible et qui est micro, qui est adapté à notre milieu de vie, mais reste que en habitant dans un secteur, on devient un peu entre guillemets les experts de ce milieu de vie-là. Donc, on est en mesure de s'impliquer différemment, si on peut dire, face à l'aménagement, face à la gestion, face aux réactions qui sont faites dans ces milieux-là. Donc, c'est assez intéressant là-dessus. Et dans la mesure aussi, on en viendrait peut-être à changer un peu la notion de définition de lieu et d'intelligence urbaine, d'une certaine façon. Stéphane Roche, enfin, un chercheur de géomatique, qui dit, le lieu urbain modifie l'identité que celui qui s'y trouve, mais également, en fait, le lieu se modifie en fonction des gens qui s'y trouvent. Donc, oui, le lieu est habité, mais le lieu est modifié, modifie les gens, modifie la nature des habitudes, les réflexes des gens qui y habitent, mais le lieu va être façonné aussi par les gens qui y habitent. Mm-hmm. Donc, il y a une prise en main là-dessus, et l'idée, c'est de trouver des façons, avec la force que nous donnent les données, l'information précise, pour rompre avec les modèles traditionnels d'interaction entre gouvernance et citoyens, pour développer des nouveaux modèles sur une base, finalement, d'informations communes précises. Donc, il y a cet élément-là qui est intéressant. Il y a des chercheurs, évidemment, qui sont arrivés aussi avec d'autres éléments, notamment une entreprise qui s'appelle Citizen, qui venait de Toronto, qui eux disent, oui, il y a ça, c'est intéressant. Et en même temps, le citoyen lui-même a beaucoup d'informations à offrir aussi. Dans un contexte où on parlait de big data, sur les éléments de santé, sur la possibilité de capter de l'information et le reste. Donc, est-ce que aussi, il y aurait possibilité de mettre en place des programmes où des citoyens pourraient, entre guillemets, vendre leur information et tirer profit, dans le fond, de l'information qu'ils vont fournir, que ce soit à leurs gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux, voire même à l'entreprise privée. Donc, de dire, si mes données sont un produit, je suis un produit, ce sont mes données, j'en suis propriétaire, mais évidemment, ça reste semi-public, mais c'est pas nécessairement facile d'aller les chercher, donc de créer des systèmes de facilitation aussi pour permettre aux organismes d'aller chercher ces données-là, aux citoyens d'en tirer parti. Donc, il y a quand même pas mal de réflexions autour de ça aussi qui sont assez stimulantes. Oui, il y a des grandes questions philosophiques aussi que ça implique, quand même, encore une fois. Question un peu bête, mais bon, on le sait, dans le milieu des sciences, ces temps-ci, il y a des coupures. A-t-on tant de données que ça? Est-ce qu'il y a tant de banques de données concernant l'environnement? Il y en a de plus en plus. En fait, sincèrement, il y en a de plus en plus, dans la mesure où il y a de plus en plus d'outils qui sont en mesure de les mesurer. Et donc, de manière générale, évidemment, pour avoir de la donnée précise, il faut avoir des systèmes précis d'information. Il y a eu des programmes qui ont été mis en place pour permettre d'en avoir. On parlait d'Environnement Canada, par exemple. Évidemment, il y a un coût à ça. Parallèlement, il y a des modes qui peuvent être peut-être un peu plus légers aussi avec l'Internet des objets, donc de rentabiliser les objets qui sont connectés différemment. Reste que il y a des données aussi qui sont générées de ce côté-là. Donc, c'est clairement pas quelque chose qui va réduire en termes de poids au fil du temps. La question budgétaire serait peut-être plus si on va être en mesure de tirer tout le profit qu'on peut aller chercher ces données-là, les analyser, les gérer. Ce qu'on dit, c'est que souvent, par exemple, le contexte urbain nous donne peut-être une certaine souplesse dans la mesure où, si on parle d'engagement citoyen, on a des gens qui sont experts de leur milieu de vie, on a des administrateurs qui sont experts d'un milieu qui est restreint, dans un contexte plus large, donc ça devient peut-être plus facile de réagir versus un contexte étatique qui est parfois plus difficile. Avec l'Internet des objets qui se développe, il y aura plus d'objets connectés, il y aura plus de citoyens connectés au fur et à mesure qu'on réussira à rendre cet axe-là intéressant pour la majeure partie de la population. Évidemment, ça va beaucoup être une question de finances, voir de quelle manière justement les finances vont venir appuyer ce développement-là. Mais dans un contexte où il y a quand même de l'économie à faire, on parlait d'eau tout à l'heure, juste l'exemple de l'irrigation que je te donnais, au Canada, c'est sûr que ça n'a pas un impact majeur parce qu'on n'a pas de problème d'eau, mais aux États-Unis, Californie, présentement, Californie, ça va pas très bien. Mm-hmm. Et avec ça, on peut sauver pratiquement entre 5 et 50% de l'eau utilisée pour les récoltes peut être sauvée. Parce que on est en mesure de réagir précisément plutôt que de réagir à des estimés. Et dans le fond, les données viennent offrir un appui, des assises plus solides à la décision humaine. Donc, si par exemple moi je suis un cultivateur, évidemment j'ai la science de l'expérience. En fait, j'ai l'habitude de travailler sur les terres, de voir un peu les signes avant-coureurs. Si à ces experts-là on donne des données précises, ils vont être capables d'être encore plus experts, si on peut dire, donc d'aller chercher encore plus d'informations pour asseoir leur expertise. Et à des échelles variables, évidemment, selon le degré d'expertise, mais ça permet de rendre, d'avoir une base d'expertise disponible, si on peut dire, pour tout le monde, qui devient extrêmement intéressante, qui peut avoir des dividendes extrêmement intéressants, comme pour l'eau, ou, dans un contexte de gestion urbaine, des dividendes participatifs qui sont extrêmement appréciables aussi. Raymond Poirier, merci. Ça